Chapitre 16e. Un jour, je peignais un tronc d'arbre entouré de lianes. Elles l'enveloppaient comme les cercles d'un tonneau. Leur volume était bien plus considérable que celui de l'arbre même, qui à première vue paraissait énorme, mais qui en réalité n'était qu'une tige assez frêle en comparaison de la masse de ses parasites. Tout en travaillant, je voyais des insectes, des lézards passer près de moi, et se diriger tous du même côté. J'entendais aussi, derrière moi, des cris d'oiseaux se rapprocher insensiblement. Ma première pensée fut de terminer promptement mes études, car tout ce mouvement ne me semblait pouvoir annoncer autre chose qu'un formidable orage, et comme j'avais à peu près une lieue à faire, je me disposais à quitter l'endroit où j'étais pour retourner au logis. Mais tout à coup, je fus envahi des pieds à la tête par une légion de fourmis. Je n'eus que le temps de me lever. Je renversai dans ma précipitation tout le contenu d'une boîte à couleurs, et je m'enfuis à toutes jambes, en faisant tous les efforts possibles pour me débarrasser de mes ennemis. Quant à revenir sur mes pas et à essayer de sauver du désastre les objets que j'avais été forcé de laisser à terre, il ne fallait pas y penser. Sur une largeur de 10 mètres à peu près, et tellement serrée qu'on ne voyait pas un pouce de terrain, des myriades de fourmis voyageuses marchaient sans s'arrêter devant aucun obstacle, franchissant, sans se détourner d'une ligne, les lianes, les plantes, les arbres les plus élevés. Des oiseaux de toute espèce, des pics surtout, volant de branche en branche, suivaient les émigrantes et se nourrissaient à leurs dépens. C'était là un spectacle séduisant pour un chasseur. J'aurais bien voulu avoir mon fusil, que j'avais oublié dans ma précipitation, mais c'était impossible, car sur un espace qu'on n'aurait pas pu parcourir en moins d'une heure, je ne voyais pas la moindre place où il fût sans péril de marcher. Enfin, peu à peu, j'aperçus de petits sentiers sur lesquels je me hasardais à sauter, en évitant de mettre le pied à côté des places blanches. J'aurais été escaladé de nouveau. Néanmoins, je ne pouvais échapper tout à fait aux piqûres, car lorsque j'enlevais mon fusil, il était noir comme une fourmilière. Heureux de l'avoir, je retournai en arrière à cloche-pied, comme j'étais venu, afin de me mettre à nouveau hors de portée. Et je tuai plusieurs oiseaux, bien inutilement, car avant qu'il me fût possible de les relever, ils étaient transformés en squelettes. Tout ce qui était mangeable avait été dévoré jusqu'aux plumes. En revenant à la case, j'appris qu'une autre troupe était entrée dans ma chambre. Elle était bien moins nombreuse que la première. Et comme je n'avais que des oiseaux préparés, le savon arsenical n'ayant aucun attrait pour les voyageuses, mes collections avaient été épargnées. Il n'en était pas de même de moi. J'avais été piqué de plusieurs côtés. Cela m'avait hérité le système nerveux. Aussi étais-je tout disposé pour les combats de jour et de nuit. Au lieu de m'endormir, je m'armais d'une massue et de mon bâton ferré de paysagiste. Je me mis en embuscade, attendant le retour chronique des rats, résolu cette fois à les exterminer. Mais voilà que j'entendis dans le lointain un bruit confus très singulier. On frappait sur quelque chose comme un tambour dont la peau aurait été mouillée. Que pouvait signifier un pareil bruit dans nos solitudes? Je restai éveillé presque toute la nuit. Le matin, je m'empressai de prendre des informations et me donna les renseignements qui suivent. La fête de Saint-Benoît est en grande vénération parmi les Indiens. Ils s'y préparent 6 mois à l'avance et en conservent 6 mois après un souvenir très exact. Du moment où le tambour a commencé à battre, il ne s'arrête ni jour ni nuit. Cet instrument est fait d'un tronc d'arbre, creux dans l'intérieur et recouvert sur un seul côté d'un morceau de peau de bœuf. Le jour de la fête, j'allais avec mon hôte m'en réjouir la vue. La cérémonie avait lieu dans un petit village nommé, je crois, des Sacumento. Les Indiens allaient de case en case pour y boire du caoéba et de la cachasse. On ne chantait pas, on hurlait. Les hommes étaient assis, leurs tambours entre les jambes. Quelques-uns grattaient avec un petit bâton en instrument fait d'un morceau de bambou taillé de haut en bas. Au bruit de ce charivari, les plus vieilles femmes dansaient dévotement un affreux cancan que le sergent de ville eût certainement désapprouvé. Quand on avait bien dansé, bien bu, bien hurlé dans une case, on allait recommencer le même sabbat dans une autre. Pour mon compte, je fis preuve d'un bien grand courage. Dans une de ces cases, je bus à même d'une calebasse pleine de caoéba, politesse inspirée par le seul désir de me rendre populaire et d'attraper plus tard un portrait. Pourtant, je n'ignorais pas de quelle manière cette boisson se préparait. Je savais que les vieilles femmes, et ce sont toujours elles qui sont chargées de l'important devoir de fabriquer de la boisson, mâchait des racines de manioc avant de les jeter dans une marmite. Je savais qu'elle crachait ensuite l'une après l'autre dans le vase et puis laissait le tout fermenter. Mon amour de l'art l'avait emporté sur mon dégoût. Dans une autre case où il n'y avait point de femme, un Indien chantait en s'accompagnant d'une guitare. Son chant, bien que faible et monotone, avait un charme tout particulier. J'allai m'asseoir en face de lui et je fus bien joyeux quand je compris que j'étais l'objet de ses improvisations, dont le refrain était « Sobia e sardu, vrea matar pasarinos, vaya matar sucuruyu ». Monsieur Billard, dans la forêt déserte, va tuer petits oiseaux. Monsieur Billard, dans la forêt déserte, va tuer serpents dangereux. Il fallait voir tous les auditeurs enchantés de me voir rire aux éclats de cette légende en mon honneur. Bientôt après arriva le moment attendu avec impatience par tout le monde. Deux personnages importants, les plus hauts dignitaires, parurent sur la place. Le premier, un grand Indien revêtu d'une soutane blanche, imitant de fort loin le surplis d'un enfant de cœur, tenait d'une main un parapluie rouge orné de fleurs jaunes. Son autre main portait une boîte, soutenue déjà par les plis d'un vieux châle à franges, disposée en façon de baudrier. Dans la boîte, on voyait la figure de Saint Benoît, qui, je ne sais pourquoi, est nègre. Cette boîte renferme aussi des fleurs. De plus, elle est destinée à recevoir les offrandes. Le second personnage, digne de faire partie de l'ancienne armée de Soulouk, était vêtu d'un habit militaire en indienne bleu de ciel, avec collet et parement également en indienne imitant le damas rouge. Au-dessous du collet étaient attachées de petites épaulettes qui retombaient par derrière, comme celles du général Lafayette. De plus, notre homme était orné d'un chapeau à cornes phénoménales de longueur et de hauteur et surmonté d'un plumet jadis vert. Pour cocarde, il avait une étiquette dont le centre offrait à l'admiration trois cerises du plus beau vermillon. Ce second personnage a le titre de capitaine. Pour être digne de jouer ce rôle, il faut avoir un jarret d'une force supérieure à ceux de toute la bourgade, car le capitaine ne doit pas cesser de danser pendant toute la cérémonie. Il ouvrit donc la marche en dansant et en agitant devant lui une petite canne de tambour-major qu'il tenait avec délicatesse, perpendiculairement comme un cierge. Le bedeau, portant le sein, suivait, parasol au vent, en guise de dais. Les musiciens, sur deux rangs, venaient immédiatement après. Les instruments de musique, les tambours et les vieilles dévotes dansant le cancan complétaient le groupe. De loin en loin, on voyait de jeunes et jolies têtes, cachées derrière les fenêtres et les portes, jeter des regards furtifs. On s'arrêtait devant la case de chaque invité au banquet. Le capitaine, toujours dansant, entrait et faisait le tour intérieur de la maison. La musique allait son train, on hurlait, puis on repartait pour répéter la même cérémonie d'invitation en invitation jusqu'à la dernière, soit sur terre, soit au moyen d'un bateau où le capitaine sautait avec la même ardeur. Enfin, on entra dans l'église où des palmiers avaient été disposés par les décorateurs du lieu. Des calebasses contenant de l'huile tenaient lieu de lampions. Par crainte des araignées et de toute autre espèce malséante, on avait prudemment recouvert la table dressée devant l'autel avec des draps cousus ensemble. Le soir, on enferma Saint-Benoît dans sa boîte, après avoir enlevé les offrandes. Ce fut seulement alors que nous partîmes. Cette fête m'avait surtout intéressé comme sujet de tableau. Bientôt, j'eus à me réjouir d'une bien autre fortune. On avait abattu une grande partie de bois. Le moment vint d'achever avec le feu ce qu'avait commencé la hache. Pour cette opération, on avait choisi une journée très chaude et on soufflait un certain vent de l'est, je crois. À l'heure convenue, tous les domestiques de la case et d'autres attirés par la cachasse que l'on distribue généreusement à cette occasion s'assemblèrent armés de torches. Je cherchais une place favorable et je me mis en mesure de peindre. Des amas de vieux troncs d'arbres, de branches, de feuilles, desséchées par le soleil pendant 6 mois, s'enflammèrent de tous côtés. Les torches excitaient l'incendie dans les endroits où il n'était pas assez rapide. Ces hommes, rouges et noirs, s'agitant, courant à travers la fumée, donnaient une idée du sabbat. Le feu montait en serpentant jusqu'aux cimes des arbres que n'avait point frappé la hache, et ces arbres, ainsi flamboyants, ressemblaient à des torches gigantesques. Je ne savais par où commencer tant s'élançaient, se mêlaient et se succédaient avec impétuosité les tourbillons de fumée et de flammes. Il y eut un instant où le vent venait à changer subitement de direction. Je fus enveloppé d'étincelles brûlantes. J'eus à peine le temps de me sauver avec ma boîte de couleurs et mon papier, mais en abandonnant mon chapeau et mon siège de campagne. Je revins plus tard, et cette fois, assis commodément sur une pointe de rocher, je contemplais sans péril un admirable spectacle. Plusieurs arbres étaient encore debout, n'attendant que le moindre souffle de vent pour s'écrouler. Le feu rongeait leur base. Je fermai à moitié les yeux en suivant les progrès lents du feu, et je ne les ouvrais tout à fait que quand l'arbre perdait son point d'appui. Alors d'immenses nuages de cendres s'élevaient, le bruit de la chute se répétait au loin, et des cris perçants y répondaient. C'étaient ceux de chats sauvages et des singes fuyant ces lieux autrefois leur domaine.